Ah, si on fait une annonce, demain soir, il y a GR à la glace à la viande. Non, samedi. C'est samedi. Samedi soir, je pars à Donc voilà, il y a GR samedi soir, alors qu'il joue pas loin de Louvre, c'est ça? Avec les gars de Nuc. Et sinon, si vous êtes plus proche de Paris, vous pouvez pas vous déplacer. On se joue avec Moloch. On va faire les annonces hein, pour l'instant là. On se fait un ping-pong avec Moloch dans un bar à Belleville. Alors, ça, c'est la soirée de samedi avec GR. Alors, la soirée de samedi, c'est une soirée au Nuc. Donc, c'est 2 rue des Pieds à Chevrier-les-Louvres, à la salle L'O2 Studio. Voilà. C'est 7 euros le paf. Il y a Neo, Speedcore, Thomas, Fraggle, Disturb Brenner, De Frey. Tout ça, c'est le groupe au Nuc. Et puis, il y a moi qui est invité. Voilà. C'est 7 euros l'entrée. Les mecs sont bien cool, faut les soutenir. Voilà. GG et Moloch donc demain dans le bar rue des Noyers à Belleville pour ceux qui sont à la place, ils connaissent le lieu. Voilà. Je repasse le micro à Fred. Ouais ouais. Eh ben on va accueillir Monsieur Moloch des Cabales. Bonjour tout le monde. Donc Hardcore Pro présente, hein, c'est parti. Are you ready? Le mix je l'appelle film de Claire numéro 1. Ça promet. A tout de suite. Thank you. Thank you. restez chez vous. We'll be right back. Eh ben, c'était monsieur Moloch. Merci, bravo, monsieur. Ouais. Non, c'était très, très bien. Dansez chez vous. Ouais. Bon, bah, c'était pour déjà rappeler une petite date. Hein, très bon set encore. On joue samedi soir au bar à Belleville. Je me rappelle plus l'adresse. L'adresse, non, je sais plus. Rue des Noyers. Petit ping-pong breakcore, moi et Moloch. Pendant les deux premiers sets, celui de Laurentium et le mien, vous avez peut-être eu des soucis de son chez vous, parce qu'on avait un problème de câble qu'on a réglé maintenant. Donc désolé, en espérant que c'était pas trop pourri. Et puis, bon, bah là, il va y avoir les deux espèces de sauvages, là. La foudre à la viande, ou la glace à la foudre, comme vous voulez. Et puis. La glace et la foudre! La glace et la foudre. Allez, on va en rajouter encore une, on va le faire à chaque. On remercie encore Vincent et Josie pour l'invite, hein, voilà. Ça fait plaisir, quoi. N'hésitez pas à écouter, même en dehors de notre émission ou n'importe quoi. Voilà, c'est une vraie radio indépendante avec des gens, voilà, qui ont une bonne vibe. Nous, on a déjà du mal à trouver des salles sur Paris quand vous rencontrez des gens comme ça qui vous invitent. Voilà, donc c'est big up à eux. Grand merci. Voilà. À tout de suite. Thank you. Allez tous vous faire foutre. Ouais. La glace à la viande. Et Fredo de mec. Ouais. Thank you. Raiders. Thank you. Veuillez excuser mon question, mais pourquoi tenez-vous à gâcher ce... Ça se réveille un peu dans les chaumières, quoi. Question, mais pourquoi tu as cette vie nouvelle? Pourquoi tu as cette vie nouvelle qui va se réveiller un peu dans les chaumières? Excusez ma question, mais pourquoi tenez-vous à gâcher cette vie nouvelle qui vous sauve? Thank you. Come on. Oh oh oh. Ça y est. Oh yeah. Encore un très bon live, hein. Des Olubrius là. Des vieux, ouais, des vieux. Putain, qu'est-ce qu'ils sont vieux quand même, c'est dingue. Voilà. De la barbe à la viande et de la foudre.